You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Est-ce un masque ou la vérité? Je ne sais plus à qui parler. Alors dis-moi qui tu es. Oh, oh, oh. Dis-moi qui tu es. Oh, oh, oh. Dis-moi qui tu es. Oh, oh, oh. Dis-moi qui tu es. Oh, oh. Qui tu es. Oh, oh. Dis-moi qui tu es. Oh, oh. Dis-moi qui tu es. Oh, oh. Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. La fille. Qu'on commence vachement plus tôt que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, on a pris les bonnes résolutions, ça y est, c'est parti. Comment moi, ça va l'équipe? Moi, je vous préviens, mon contrat, il m'implique d'être drôle à partir de 17h, donc je ferai pas de blague avant. Est-ce que t'en fais seulement à partir de 17h? C'est, ça, 17 truc, c'est la première question. Non, mais sérieusement, ça va bien, tout le monde est en forme. Bah oui, jeudi. Eh, j'adore parce qu'on est tous, on dirait des papiers et mamie à l'antenne de Fun Radio, vous nous voyez pas, mais on est tous avec des écharpes, c'est n'importe quoi. Mais ça caille à mort. Froid tout le temps. Non, en plus, on a un problème chez Fun, on a une fenêtre qui ferme plus. Donc t'as vraiment un peu l'impression d'être en mode pôle nord, quoi, tu vois, c'est un peu... On sent bien le vent, hein. Ah, froid, très très froid. Bon, ça va sinon? Ouais, la forme, vous avez fait quoi? Oh, bah écoute, j'ai gelé, et pourquoi il fait si froid comme ça? Je sais pas, mais ça y est, c'est la fin, hein, l'hiver approche, on parle comme les vieux. Moi, j'ai passé 2 heures dans un garage dans le froid pour faire réparer ma voiture. Ah ouais? Tu racontes ta vie, là? Bah, tu me demandes ce que j'ai fait, moi je te réponds, tu vois, c'est un espèce de contrat de politesse entre non, nous. Non, je t'ai taquine, mon Fab. Mais, par contre, j'ai peur un jour de me lever et de déjà devoir gratter sur le pare-brise. Pas déconner, pas encore, c'est trop tôt. Hein. On a aussi Alison et François qui sont du côté Coucou. Du standard. Ça va les copains? Ça va et toi? Comment on fait pour vous joindre? Alors c'est facile, 02 851 4x0 ou au 3044. J'adore parce qu'Alison elle est investie d'une mission quand tu lui demandes ça. Tu vois, là elle gonfle le torse, tu vois, elle fait allez, mais c'est facile, 02 851 4x0. Elle se met à parler comme les vieux standardistes. Tu vois, vraiment, on applaudit Alison. Merci, très jolie prestation Alison. Et juste pour la vanne, un jour il faudrait changer le numéro de téléphone. Ouais, tu vois, un jour on va te faire une feinte. Maintenant qu'elle l'a retenu, tu vois, on va le changer. Rien à foutre. Bon, dans l'émission, il y aura plein de surprises pour vous. On aura des places à vous filer pour venir avec nous ce dimanche du côté de la Dog Pool Party au Dog Center de Charleroi. C'est une première en Belgique, c'est organisé par Fun Radio et Tomenco Charleroi. Ça va être juste de la folie. Restez bien là si vous voulez choper vos places. Et puis je sais que vous êtes fan de Disneyland Paris. Ah, vous avez bien raison. C'est tellement magique là-bas et bon, on vous envoie voir Mickey pendant la période d'Halloween. On aura des places aussi à vous filer pour aller à Disneyland Paris. Et alors hier, on a fait un cocu ou pas cocu. Vous savez, c'est la nouvelle rubrique de la Power où on teste la fidélité des hommes, des femmes, bref, de qui, si vous avez un doute autour de vous, on teste. Et ben franchement, hier, il s'est passé un truc dans l'émission. Ah, c'était chaud. C'était chaud patate, mais vraiment, j'ai eu limite de la peine pour l'auditeur qui nous a demandé de tester sa meuf. On vous a repris le moment d'hier, on va le réentendre, hein, c'est obligé. Et on va surtout prendre des nouvelles de Maxime qui est passé hier à l'antenne pour voir s'il va bien, le pauvre, parce que vous allez entendre, le gars, il est au bout de sa life, quoi. Restez bien là. Fun Radio. Fun. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Avant de se faire le son de Mike Perry sur Fun Radio, il est l'heure de s'informer à 17h et c'est avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. La première info est en fait une non-info. Je vais parler de la collision entre deux avions de passagers à l'aéroport de Zaventem le 5 octobre dernier qui n'a pas eu lieu. Je pense que vous seriez un petit peu au courant. Hein. Elle n'a pas eu lieu, mais elle a bien failli se produire entre les appareils de la Lufthansa et d'Aer Lingus, ce qui a fait réagir l'Union Belge contre les nuisances aériennes. Il pointe du doigt une utilisation inutile et injustifiée de la piste d'atterrissage 01, rien à voir, se défend en belge au contrôle, qui gère donc le trafic aérien. L'incident, qui ne s'est donc pas transformé en accident, serait en fait dû à un pilote ayant nié les instructions d'un contrôleur aérien. Mais d'après une lettre envoyée par le service de médiation de l'aéroport au ministre Mello, cette piste 01 doit être uniquement utilisée lorsque le vent atteint une certaine vitesse, ce qui est loin d'être toujours le cas. Autre non-info concernant un aéroport toujours, à savoir l'attentat djihadiste à l'aéroport de Berlin et qui n'a donc pas eu lieu vu que le suppôt de Daesh censé faire péter sa bombe a été arrêté avant. C'est le fameux gars livré pieds et poings liés à la police par 3 réfugiés syriens, hein, je vous en parlais hier. Et si je vous reparle de ça aujourd'hui, eh bien c'est parce que notre terroriste vient de se suicider en prison, même que ça a dû être très frustrant pour lui de ne pouvoir emmener personne d'autre dans la mort. qui lui aurait valu le statut du très envie de kamikaze, envie par les gens comme lui, on se comprend. L'Islande, à tes souhaits, n'est vraiment pas un pays comme les autres. Hein. Il est le seul à avoir envoyé bouler les banques en faillite en 2008, au lieu de les sauver à coups de milliards. Résultat, le pays se porte à merveille aujourd'hui, alors que nous, on se débat toujours dans la mélasse de l'austérité. L'Islande est le premier pays au monde à avoir élu une femme à la tête de l'État. Et hier, pour la première fois au monde, une femme a donné le sein à son bébé alors qu'elle s'exprimait à la tribune du Parlement, le plus vieux du monde. Unnur Brá Konráðsdóttir, c'est son nom, a qualifié son acte de chose la plus naturelle au monde. Une chose que la population a pu voir en direct à la télé. Et on termine avec du football. Ça aussi, tiens, ça fait penser à l'Islande et à son très beau parcours à l'Euro 2016. Hein, l'Islande qui a parfaitement entamé aussi les qualifs pour la prochaine Coupe du Monde, battant notamment la Turquie 2-0. Mais là, c'est de la Coupe du Monde 2022 que je vais parler, celle qui devrait se tenir au Qatar. Je dis devrait parce qu'on peut toujours espérer que la FIFA changera d'avis hein, et ne permettra pas à ce petit pays esclavagiste d'organiser une telle compétition. Et pas seulement parce que le Qatar a acheté la Coupe du Monde. Hein, la corruption, c'est pas beau, mais il y a pire, évidemment. Plusieurs médias rapportent ainsi que 1200 travailleurs immigrés sont morts de soif et de chaleur sur les sites de construction des stades qui accueilleront le mondial de foot. Et on prévoit que d'ici l'ouverture de cette Coupe du Monde, il y aura 2800 victimes supplémentaires. Il faut savoir que ces immigrés se font confisquer leur passeport lorsqu'ils arrivent au Qatar et sont obligés de trimer comme des esclaves. Ça fait un peu penser aux malheureux qui construisaient les pyramides au temps des pharaons, si ce n'est que ces derniers étaient sûrement mieux traités. Fun Radio. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Tiens, normalement, demain, avec l'équipe, demain soir, on va au Kinépolis de Liège. Il y a l'avant-première là, du film La Pièce, avec la présence de l'équipe du film, hein, s'il vous plaît. Une vraie avant-première en mode VIP, si vous voulez venir avec nous, si ça vous dit, allez-y. Hein. Vous envoyez maintenant ciné par SMS au 3044. Oh, bah, un petit cadeau, voilà, pour commencer l'émission. C'était pas prévu, mais c'est pour la maison. Voilà, ciné merci, par SMS au 3044, c'est ce qu'il faut envoyer. On va vous tirer au sort après la météo, Carlo. Bah, tu vas être contente, je crois, hein, parce que demain, il va faire doux, entre 12 et 16 degrés. Cool. Si tu as eu l'impression qu'il faisait froid aujourd'hui, c'était uniquement à cause du vent. Ah, mais c'est ça, tu nous avais dit en plus. C'était 14 degrés, mais pas mal. Demain, le vent va se calmer. Ouais. Et comme il fera jusqu'à 16 degrés, là, on va ressentir une vraie bonne douceur. Ceci dit, on attend des averses le soir. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Ah oui, tiens, j'ai un scoop à propos de François le stagiaire. De François, oui. Ouais, il aime les chaudasses. Il aime les chaudasses. Ah, bah tiens, bah dis donc. Je vais en apprendre des choses, moi, dans cette émission. Carlo, reste encore un petit peu avec nous. On va approfondir le dossier. Hein? On se fait ça après Mike Perry. Bougez pas. Fun Radio. Réservez maintenant nos destinations de l'été 2017 à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair. Low fares made simple. Disponibilité limitée. Consultez ryanair.com. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you. Bon après-midi sur Fun Radio. La suite du Sand and Floor, c'est avec Ken Jones que ça se passe. Don't Mind, je vous ai calé aussi un petit Cib. J'ai à chaque fois l'impression de dire une marque de bagnole, tu vois. On dirait un peu, non ? Une Cib décapotable. C'est carrément ça. Bon, avant ça, on a promis qu'on allait commencer l'émission avec un petit cadeau. Pas prévu, hein, je vous préviens. Moi, j'ai vu des places qui traînaient sur le bureau, je les ai chopées. Ah, comme ça, toi, tu rien prends, tu dis rien. C'est toi qui as piqué mon sandwich ce midi ? Non, j'ai pas fait quand même. Moi, c'était un burger, ouais, mais un sandwich. Il traînait sur le bureau aussi. Non, mais blague à part, sérieusement, demain, du côté du Kinépolis de Liège, en fait, c'est l'avant-première du film, en fait, avec toute l'équipe de Watibé. Vous vous souvenez, Watibé ? Oh, ah oui ! Ça passait sur Fun, c'est ça ? Ça fume des meufs, c'est des meufs, c'est des meufs, et ça toute la night, la night. Et ben, toute l'équipe du Watibé sera demain du côté du Kinépolis de Liège pour le film La Pièce. Et alors, ce qui est cool, c'est que c'est un truc VIP avec la présence de l'équipe. Et même dans le film, en fait, il y a Black M. Bon, deux minutes à la fin, mais il est dedans. Il vient dire bonjour. Il est sur l'affiche. Il fait ses premiers pas d'acteur quand même, ça rigole pas. Donc, si vous voulez venir avec nous, vous vous inscrivez, vous envoyez ciné par SMS au 3044. Ça va être juste une soirée de malade. Bah, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs Caroline qui vient de Liège. Salut Caro, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouh là là, c'est quoi cette voix ? T'es malade ? Non, pas du tout, je suis en voiture. Ah non, c'est ton téléphone. Ah bah oui, il faut changer. Donc ça, c'est ta voix de tous les jours alors. On est vraiment désolé. Oh là là. Malheureusement, oui, c'est ma voix de tous les jours. Oui. Bon, ouais, t'en fais pas, monsieur, c'est pas grave. Caroline, comment ça va ? Ça a été la journée ? Ça a été, je rentre du travail, donc ça va. Ouais, bah écoute, c'est fini quoi, tranquillou. Tu vas faire quoi ce soir ? Oh, bah, on va se mettre devant la télé calmement hein, pour recommencer au travail demain. Ah bah voilà. Bah écoute, à un moment donné, faut se poser. J'ai l'impression que tu kiffes pas trop ton taf, toi. Bon, ma Caroline. Bah, disons que tu es indépendante, t'as pas trop le choix. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça c'est chiant. Tu peux pas être malade hein, quand t'es indépendant, c'est la galère. T'es une courageuse. Non, ça, un peu pas, non. T'es une courageuse, ma Caroline. Bah justement, raison de plus pour t'inviter demain à la soirée de VIP du côté du Kinépolis de Liège. C'est gagné. Bravo. Ouais. Ouais. Ouais. Bravo Caro, demain tu vas pouvoir te détendre un petit peu. Tu vas venir avec qui ? Oh, ma maman ou ma belle-sœur ? Ah bah voilà, cool. Bah écoute, elles sont les bienvenues. Tu peux même venir avec les deux si tu veux hein. Ah bah, ce serait génial. Eh ouais, bah allez, tu repars avec tes trois places Caroline, félicitations, c'est gagné, c'est dans la poche. Tu raccroches voilà, pas ? On va reprendre tes coordonnées. Gros bisous les filles, bisous bisous. Si vous aussi, vous voulez venir avec nous au Kinépolis de Liège demain, allez-y, vous vous inscrivez, signé par SMS au 3044, c'est ce qu'il faut envoyer. Alors, je vous avais promis aussi qu'on allait réécouter à un moment de l'émission d'hier soir. Parce que, bon, je sais qu'il y a plein de gens, à partir de 19h, ils sont déjà genre tranquillou devant la télé. Attends, ils font la sieste. Ils n'écoutent plus l'émission et pourtant, il se passe des choses après 19h dans la Power. Et ouais, hier, on a fait un cocu ou pas cocu. Le principe, c'est simple, c'est qu'on teste la fidélité. Donc, si vous avez un doute sur votre copain, votre copine, vous faites appel à l'équipe. Et Fab se fait passer pour un détective privé. Ah, jusqu'à présent, au lieu de tester, on brise plutôt des couples. Hein. J'avoue que la moyenne, ouais, c'est pas et trop on ça. On va avoir des emmerdes un jour. Hein. Non, ça va aller. En plus, hier, Max nous a appelé. Il a dit « Ouais, je voudrais qu'on teste ma meuf, j'ai des doutes, machin. » Et alors là, on a appelé sa copine. On lui a fait croire qu'on avait des infos sur le fait qu'elle le trompait. Et la réponse, franchement, surprise. On s'y attendait pas. Écoutez ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. On va te dire si tu veux l'épouser ou si tu dois t'en débarrasser. C'est le cocu pas cocu sur Fun Radio. Je suis détective privé et j'ai été engagé pour faire une petite enquête sur toi. Un détective privé ? Alors, je te dis que je suis détective privé. Maxime m'a contacté, il avait quelques soupçons sur toi. Il m'a demandé de te suivre quelques jours, de faire quelques photos. Je sais que tu sors beaucoup avec ta meilleure amie Clara, qui est assez chaudasse et qui est célibataire. Tu trompes Maxime, un petit peu. C'est plus compliqué que ça, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, c'est une histoire compliquée. D'après les photos, ça a l'air très simple, hein. Écoute, je sais qu'il y avait plein de garçons autour de vous, alors je sais pas avec lequel tu le trompes, je vais pas te mentir, mais je sais qu'il y a des mecs au milieu. Je ne trompe pas Maxime avec un garçon, c'est Clara. Je suis attirée par elle, c'est compliqué à gérer parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà. Et donc, hier, l'amoureuse de Maxime lui a annoncé directement, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était sur Fun Radio, mais que donc, elle n'est plus pour les garçons, mais donc pour les femmes. Bah, elle est peut-être pour les deux encore. Elle est peut-être pour les deux, elle est peut-être bi, mais en attendant, Maxime, il était sans dessus-dessous hier. Il était déprimé, mais grave, quoi. Alors, on s'est promis un truc, on va le rappeler juste après le son de Ken Jones, maintenant sur Fun Radio, histoire de prendre des nouvelles quand même. Pauvre Maxime, on va voir comment il va. Juste après ça, bougez pas. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go.

Explore sur Fun Radio. On est en direct 18h. Bah ouais, 18. C'est 17h18 sur Fun Radio. On reste avec vous jusqu'à 20h avec le son d'Alex Germis qui arrive dans un instant. Eh, hey, on a le nouveau Ritza aussi. On eh oui. On me prévient pas, qu'est-ce que c'est que ça? Total exclusivity. Waouh, eh, on l'a jamais passé encore dans la Power, c'est cool ça. Ritza qui arrive dans un instant, le tout nouveau, rien que pour vous. Avant ça, si vous venez de débarquer dans la Power, je vous l'ai promis, on va prendre des nouvelles de Maxime. Oh, mais toi aussi, mais pas de musique calme, hein. Tu vas nous faire chialer. Maxime, hier, il est passé à l'antenne de Fun Radio. Il voulait qu'on teste sa copine dans le cocu ou pas cocu. Il avait des doutes sur sa fidélité. Et bah, force est de constater qu'il avait raison. C'est ça. Il a dû dire au revoir à son amoureuse, puisqu'elle lui a annoncé qu'en fait, elle le trompait depuis un mois avec sa meilleure pote. Mais donc, femme. Qu'elle a changé de bord, quoi, en gros, hein. Ouais, mais alors, est-ce que c'est considéré comme de la tromperie? Bah, bien sûr. Bah, il n'y a pas eu pénétration. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Bah, c'est pas possible, c'est une autre physiquement. Forme. C'est une autre forme, mais si tu peux aussi faire des choses. Il y a des jeux coquins et des accessoires coquins pour les. D'accord, mais alors quand moi je me mets un coton-tige dans l'oreille, je trompe pas ma copine parce que c'est du plastique. Mais c'est quoi cette comparaison de merde? Mais je pense que l'accessoire coquin, elle ne le met pas dans l'oreille. Hein. Ouais. Faudrait que je me renseigne. Mais il y a que dans Scary Movie qu'on fait ça. Hein. À la maison, tu fais pas ça. Hein. Désolé, tu t'es déjà mis un truc dans l'oreille? Oui. Non, je n'ai pas dû poser cette question. Laissez tomber. Je me mets souvent des bics dans l'oreille. J'adore ça. C'est... Non, mais voilà, franchement, blague à part. Vous de l'autre côté de la radio, est-ce que vous trouvez, je sais pas moi, imaginez-vous votre copain, il vous trompe avec un autre mec. Est-ce que pour vous, du coup, c'est tromperie ou pas? 30-44 pour votre message et inversement, là, quoi. Là, il y a pénétration. Non, mais tu vois, si c'est avec un autre bord, si tu changes de bord, c'est, est-ce que... c'est bord. Ça, ça compte pas alors. T'es genre un footballeur, il arrête sa carrière pour jouer au tennis. Ah, il trompe pas le foot. Et il fait autre chose. Mais tu peux pas comparer ça à ça. Non, allez, franchement, moi, je te jure, j'imagine mon mec qui me trompe avec un autre mec, bah c'est trompé. Moi hein. Aussi, ça doit être drôle. Rien à foutre. Franchement, non, mais sérieusement, vous en pensez quoi, vous, de l'autre côté de la radio? 30-44 pour vos messages. On a Maxime qui est là? Ouais, il est bonjour, là. Bonjour, Maxime. Avec plein de scotex. Bonjour. Bon, alors, mon Max, depuis hier soir? Bah, ça va. Enfin, je peux dire ça comme ça. Bah ouais, on a expliqué aux auditeurs qui ont loupé ça hier soir ce qui s'était passé. Est-ce que t'as... Parce que je vous ai laissé en mode fight hier, hein, à la fin, à l'antenne, ils se sont fightés à mort. Est-ce que du coup, t'as un peu discuté avec elle après? Ouais, enfin, j'ai vite fait parler, mais bon, enfin... J'étais un peu énervé, je pense pas que c'était le bon moment pour parler. On a bien parlé. Et quoi, elle a dit quoi après? C'est excusé quand même. Bah c'est fini en soi. Enfin, elle m'a dit qu'elle avait des sentiments et tout, mais moi j'ai pas compris. Alors ça c'est bizarre. Et t'as pas négocié, hein? Ok, c'est fini, mais je peux pas juste rester un soir et voir. Mais non, arrête. Assister. Non, je fais pas de bruit, je regarde et je. Non mais tu sais qu'hier il y avait des auditeurs qui lui disaient arrête de te plaindre, ça fait un chouette plan à trois. Mais c'est vrai, mais c'est les mecs. Mais c'est vrai. Ouais, mais le truc c'est que, enfin allez, Clara, c'est sûrement une fille que je déteste depuis le début. J'ai toujours dit de pas la fréquenter et je sentais le truc venir. Mmh. Bon, il faut se méfier des meilleurs amis. Alors, que t'es avec elle. Ah, mais moi, je suis sûr que tu dois être plus dégoûté au fait pas qu'elle te trompe avec une meuf, mais qu'elle te trompe avec quelqu'un que tu détestes. Parce que là, c'est encore mais pire. Non, pire mais les deux. Que j'ai dit depuis le début, c'est pas une fille à fréquenter, c'est vraiment une chaudesse. Hein. Ah, bah, la preuve. En tout cas. Et j'espère vraiment pour ton ex maintenant qu'au final, elle va pas juste la chauffer pendant un petit temps et puis merci, au revoir. Bah, tant pis pour elle. Hein. Moi, je pense juste à Maxime là pour le coup. Ah, merde. En tout cas, Max, bon, il y a une bonne nouvelle. Je pense que ça te redonner du baume au cœur et le moral. C'est bientôt la saison des moules. Et? Eh ben alors toi aussi tu vas pouvoir en manger. Fabuleux, quoi, franchement. Max, il est tout déprimé, puis tu viens avec tes vannes de merde. C'est bon les moules. Mais non. Demande à sa copine, elle adore. Non mais franchement, le truc, j'adore le petit rire de Max, c'est genre. J'ai pété ta gueule. C'est pas drôle. Non mais franchement, en plus la meuf, ce qui est pas cool, c'est qu'elle lui ment, quoi, tu vois. Parce que si tu changes de bord, ça peut arriver. Tu peux te rendre compte que t'es finalement plus pour les mecs ou les femmes. Mais il faut pas tromper, quoi. Ça c'est pas bien. Faut expliquer. Elle lui a menti pendant un mois. Quand elle est sortie. Ça me fait une crise de jalousie parce qu'il y avait des filles qui me couraient autour. Mais ouais, c'est fou. Ça, c'est... Pas. En fait, elle était jalouse, c'est ça le truc. Mais c'est une sale manipulatrice, point barre. Et voilà, tu t'es jalouse jamais... alors qu'elle me trompe. Hein. Et puis elle me dit ouais, tu fais que je parlais que tu me trompais tout alors que c'est elle qui me trompait depuis le début. En plus. Mais ça, souvent, dès qu'il y a quelqu'un qui commence à t'accuser de tromperie, c'est que lui-même il le fait. Ça, je me suis déjà rendu compte. Ah ouais? Oh, ouais, j'ai un passé de cocu assez long. Je peux en parler. Ok, d'accord, je prends des notes, moi. Ok, non, ça mais franchement, c'est vrai. Hein, vous en pensez quoi, vous, de l'autre côté de la radio? 30-44 pour vos messages. Bon, Maxime, en tout cas, je suis contente que t'as pu discuter avec elle et qu'au final, tu connais quand même la vérité, quoi. Ça y est, maintenant, tu sais sur quoi tu. Ouais. Voilà, sur quoi t'es tombé, quoi. Une sale manipulatrice. Mon Max, je te fais des gros gros bisous. Tiens, ça te dirait de venir avec nous demain au Kinépolis de Liège? Ah oui, pourquoi pas. Eh bah allez, t'es notre invité, Max. Bah du coup, tu viens tout seul. Arrête, hein. Eh ben, est-ce qu'il y a une demoiselle, une auditrice qui serait disponible pour venir avec Max demain à l'avant-première du côté du Kinépolis de Liège? 3044 pour vos messages. Non, sérieusement, on cherche quelqu'un, une demoiselle, voilà, sympathique, qui pourrait passer la soirée avec Maxime pour lui remonter le moral. 3044 pour vos messages. Sinon, t'as pas une meilleure amie, Maxime? Bah non, je pense que les meilleures amies, tu vois, il va passer, ah, okay, si tu veux bien. Maxime, je te fais un gros bisou, on te tient au courant si on trouve une cavalière, d'accord? Ça va, on se voit demain, Max. Gros gros bisous. La suite du son Dance Floor maintenant, c'est avec Alex Germis que ça se passe. Il y aura aussi le nouveau Ritza, rien que pour vous. C'est la première fois qu'on va l'entendre ici, dans la Power, en total exclu sur Fun Radio. Et juste après, on vous explique comment faire pour repartir avec vos places direction Disneyland Paris. Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Demain, Bruno vous offre en exclu votre pack PlayStation VR avant sa sortie officielle. Mais le plus fort, c'est qu'en plus de la gagner, elle sera livrée chez vous en direct par un membre de l'équipe le jour même. Vous pourrez profiter avant tout le monde de votre PlayStation 4 avec son casque de réalité virtuelle révolutionnaire. Votre PlayStation VR, livré chez vous avant sa sortie, ça se gagne uniquement chez Bruno dans la radio. Allô ? Oui, c'est moi, je suis bien arrivé. Oh, il est sain et sauf. C'est génial ici, les gens sont sympas et très accueillants. C'est comme à la maison. Ouais, je crois que je vais rester d'ailleurs. Et encore merci à toute l'équipe Assap pour le tuyau. Allez, ciao! Avoir un job qui vous convient parfaitement, c'est comme être en vacances. Nos consultants RH vous guident vers le défi idéal. Complétez votre profil sur asap.be ou passez nous voir dans l'une de nos agences. Assap. Enjoy your job. Buongiorno. Trafiquer le compteur kilométrique. Avec le Carpass. Et finita la commedia. Au garage, au centre des pneus, au contrôle technique, tout le monde le sait. Le kilométrage est encodé à chaque passage dans une grande base de données. Et quand vous voulez revendre votre voiture, il se retrouve sur le Carpass. Et ça doit correspondre avec votre compteur. Capisce? Carpass. Depuis 10 ans, la garantie officielle du kilométrage réel. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, avec cette météo, je sais plus quoi mettre, moi. Ah, je connais un endroit où il pleut jamais et il fait toujours 22 degrés. Ah bon? Oui, et maintenant, tu as jusqu'à 50% de réduction. C'est où? Dans un magasin CA. Maintenant, chez CA, jusqu'à 50% de réduction sur une partie de la collection. CA. La voisin. Salut, Bompi. Dis, c'est quoi ton chiffre porte-bonheur? C'est le 4, parce que c'est mon anniversaire. Et toi? Le 17. Oh, le 17. Et pourquoi le 17? Parce que ce samedi, Gamma fait 17% sur tout. 17%? Waouh! Pas mal, hein? Oui! Dis, je crois que je vais changer de chiffre porte-bonheur, hein, moi? Bonne idée! Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma! Ce samedi 15 octobre, Gamma fait 17% sur tout. Profitez-en! Offre aussi valable sur gamma.be. Conditions sur gamma.be. Tu as entre 17 et 29 ans? La sécurité routière te tient à cœur? Tu as envie de rejoindre l'équipe des Responsible Young Drivers? Tu désires participer à de nombreux événements pour changer les mentalités et au passage sauver des vies? Alors rejoins-nous vite sur ryd.be. Pour qu'on te présente toute l'équipe des bénévoles. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Hard, baby. Oh, you know I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? Really let you go? Go, go, go, go, go, go, go. I'm holding on for life, 'cause I can't escape. Escape from love. Escape from love.

croire que je suis parano. T'as changé de vie, t'as changé de numéro. Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre. Ton parfum sur les draps ne cesse de me faire voyager. Autour de moi les gens me disent que t'as déménagé. Et j'ai ouvert les yeux quand les tiens se sont fermés. À l'autre bout du monde je te retrouverai. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver, je viendrai te chercher. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. T'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver. Et tu m'en veux à mort. T'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout. Fun Radio à l'instant. La suite, c'est avec Feder que ça se passe. Lord Lai que je vous ai calé. Il y aura aussi Tal. Tal qui sera avec nous là, hein, dans la Piawar. Ça diminue maintenant, le 25 octobre. Notez bien la date. Tal sera avec nous dans la Piawar. Elle va faire un live, les auditeurs pourront venir. Enfin bref, ça va être l'éclate, hein, sérieusement. Le 25 octobre, voilà, elle sera avec nous. Je suis toute contente. C'est cool, non? Pour une fois qu'on est une jolie fille en studio. Je crois pas que t'es aussi contente que nous. Ah si, franchement, moi je la trouve trop belle, bah, Tal. Attends, et ça veut dire quoi pour une fois qu'on est une jolie fille en studio? Et bah, c'est vrai. Vous dites tout le temps que moi je ressemble à un cachalot alors. C'est parce que nous on t'aime bien, on te taquine, mais t'es aussi jolie toi. Ouais, espèce de faux cul, bah t'auras pas d'augmentation pour autant, hein. D'accord. Bon, on fait les places Disney? Bah oui, plaisir. D'accord, madame. Alors, attention les copains, si vous voulez aller à Disneyland Paris pendant la période d'Halloween, c'est bientôt là, hein, attention, ça diminue, eh ben, vous allez pouvoir le faire puisqu'on vous file des places pour y aller en famille ou entre potes, hein, vous choisissez. Alors, il y a plein de trucs pendant la période d'Halloween à Disney, c'est cool. La parade des méchants, les citrouilles un petit peu partout. Alors, la maison hantée aussi, elle est mise un peu à l'honneur, un peu plus que d'habitude. Bah, c'est oui, normal. Évidemment. C'est la période des méchants où ça fait super peur. Alors, attention, on vous donne le premier indice pour essayer de choper vos places pour aller à Disneyland. C'est parti. C'est un méchant Disney aujourd'hui qu'on cherche. Et tout? C'est tout. C'est ça que je... C'est tout? C'est tout. Et pour le moment. Ça va Laurent là? Tu veux pas un autre indice? Bah, vas-y, balance. Non, pas... c'est un méchant Disney, c'est tout. Il a les cheveux noirs, voilà. Et je dirais pas plus, cherche. Les cheveux. Attends, noirs. Un méchant dans un dessin animé Disney qui c'est a bon, les j'ai cheveux trouvé. Noirs. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. T'as trouvé, sérieux? Mais non, enfin, ah, okay. Donne un indice en plus. Un cheveu noir. Non. Attends, je réfléchis en même temps. Qu'est-ce qu'il y a comme méchant dans Disney déjà? Il y a plein. On les connaît pas bien, les méchants, on les aime pas. Ah, je sais, Gaston. Gaston Lagaffe? C'est pas dans Disney, non. Non, comme Gaston. Comme Gaston. Qui c'est, Gaston? Mais c'est dans Disney, Gaston? Bah oui, c'est dans La Belle et la Bête. Mais enfin, les gars, révisez un peu vos classiques quand même. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas Gaston? Non. Non, c'est pas Gaston. Bon, bah les copains, on va faire un truc. Vous tentez votre chance. Vous envoyez maintenant Halloween par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Et puis si vous l'avez, à vous vos places pour aller à Disney. Bah, je pense savoir. Ah, vas-y, balance. Donc t'as dit cheveux noirs, hein? Oui. Capitaine Crochet? Ah ouais, pas con. Non. C'est alors, pas Capitaine Crochet non plus. Ils auraient pu, bravo, bravo. Ok, Minou. Bon, merci. Alors, on fait un truc. On écoute le son de Feder maintenant. Ça dure 3 minutes, top chrono. C'est le temps qui vous reste pour vous inscrire maintenant. Halloween par SMS au 6322 avec le méchant aux cheveux noirs de Disney qu'on cherche. Bonne chance tout le monde. Do you wanna have a party? Tous les soirs dès 22h sur Fun Radio. Ouvrez les portes du club, c'est Before Party Fun. Ladies and gentlemen, 2 heures de mix avec les plus grands DJ belges au platine. Please welcome Tristan H.

pas elle. C'est pas la tante Zara. T'es gentil, tu reviens me voir quand t'as des vraies propositions. Arrête, moi, bah, tu sais, les auditeurs, on tente notre chance aussi en même temps. La belle-mère de Cendrillon, c'est vrai, elle a les cheveux noirs. Oui, la belle-mère de Cendrillon, qui est la sœur de la voisine du beau-frère de la belle-mère de Blanche-Neige. Non, c'est pas elle. Allô, hein. Non. Mais tu veux pas donner un indice en plus, parce que c'est tellement compliqué de dire Lucifer. Non, Lucifer, c'est un chat, non? Lucifer. Lucifer, c'est le chat dans Cendrillon. C'est un peu le diable. Bah ouais aussi, mais dans Disney c'est Lucifer, c'est quoi, le gros. Il y a un Lucifer dans Blanc. Ouais, mais j'y comprends rien avec vos Disney. Mais Lucifer. Mais je sais que c'est pas eux, c'est pas tous les noms que tu dis. Bon d'accord. Bon alors si vous avez une idée d'un méchant dans les dessins animés Disney qui a les cheveux noirs, allez-y les copains, parce que franchement pour le moment personne n'a trouvé la bonne réponse. Hein. Donc vous vous inscrivez, vous envoyez Halloween par SMS au 6322 avec la bonne réponse. On se fait le tirage au sort après le son de Tal. Avant ça on file du côté des routes avec Mister Jacobus. Comment ça se passe? Oui, c'est un peu le bordel, surtout si tu es du côté de Beaumont, tu te dis pourquoi j'avance pas, et à mon avis tu vas rester là un bon moment parce qu'il y a un accident assez grave qui vient d'arriver. C'est un camion, ouais. Il est tombé sur le côté, mais sur le côté il y avait une petite voiture. Oula. Ah oui, camion 1, voiture 0. Ça fait hamburger, ça, non? Ah oui, non, déviation, machin, dépannage, tout le bordel, c'est la merde. Bon courage. Par contre, allez, je vais donner aux auditeurs quelque chose. J'ai les collègues qui sont du côté de Liège, sur la route, ok, à direction à Celtiège, et qui font des petits contrôles, vitesse, flash, machin. Eh ben, tu sais, Audrey, qu'il y a deux jours, on a fait ça le matin à 8h. Ouais. Liège, c'est la seule ville où à 8h du matin, en jour de semaine, tu dois aussi faire des alcootests à 8h. C'est vrai? Oui. Ouais, mais Liège, c'est la ville de la fête, hein, faut pas déconner. Les gens picolent. Mais mon foie, il me dit, tu vas où tu veux, mais je vais pas à Liège. C'est tout, il y a rien d'autre? Non, ça, oh, c'est calme aujourd'hui, franchement, c'est bien ça. Si vous avez des infos sur la route et que ça bouchonne un peu, n'hésitez pas, hein, vous venez nous prévenir sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey sur Facebook. Dans un instant, on va se faire le tirage au sort là pour les places de Disney. On cherche un méchant d'Halloween. Non, mais méchant de Disney qui a les cheveux noirs. Si vous avez une idée, Halloween par SMS au 6322. Bonne chance. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs, les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs, on ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps. Ralentis, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Yeah. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie. Vers la lenteur et les sentiments, au loin la peur qui s'en va. Passe les jours et les combats, combien d'été reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Yeah. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey, prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. Come, come, come, come, come. Yeah. Everybody. to bring. Oh là là, la voix quoi. Non seulement elle est belle, mais en plus elle chante comme une déesse. Tal qui sera avec nous dans l'émission le 25 octobre. La suite du son d'Explore, c'est avec The Chainsmokers que ça se passe sur Fun. Closer, et puis il y aura quoi dans le prochain quart d'heure? Un petit DJ Snake avec Justin Bieber, ça vous va? Oh, l'effet pété. Parfait. Parfait, on fait comme ça. Avant, on va tirer quelqu'un au sort qui va peut-être repartir du coup avec ses places direction Disneyland Paris. Et ouais, pour aller voir Mickey, Minnie, Donald, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dingo. Voilà, tous les personnages de Disney qui vous ont fait rêver quand vous étiez petit. Moi, j'aimerais trop un jour aller à Euro Disney aussi. Ouais, c'est vrai que Fab n'a jamais été une seule fois dans sa vie. Déjà, c'est pas Euro Disney, mais c'est pas grave. Pourquoi vous parlez comme ça? Arrêtez vos conneries. Parce que j'essaie de faire l'enfant pour que tu me dises de. Eh ben, j'espère que tu auras jamais un enfant qui te parle comme ça, hein, parce que moi aussi, ça me fait peur aussi. Ouais, mais tu peux avoir peur. Bon, on a Giovanni qui vient de Charleroi. Charleroi, ça va pas. Giovanni qui vient de Charleroi. Ça va? Ça va toi? Bah écoute, ouais. Giovanni, qu'est-ce que tu fais? Bah j'arrive, je suis sur le parking du cours pour moi me rendre au cours. Ah bah écoute, voilà, et eh ben c'est bien. Juste avant d'aller au cours, hop, un petit appel à Fun Radio pour essayer de repartir avec ses places pour Disney. Vous avez des écoles à Charleroi? On te merde, hein? C'est français, voilà. Bon, Giovanni, on cherche un méchant avec les cheveux noirs, un méchant de Disney. Tu as envoyé une réponse au 6322, c'est laquelle? Cruella. Cruella d'enfer. Elle a une partie noire et une partie blanche. Ouais, mais il y a des cheveux noirs. Elle. C'est pas sinon Cruella? J'aurais dit noir et blanc. Bah arrête, c'est désagréable. Comment... Non, putain, non, mais bon. Il est dingue, ce mec. Il faut écouter les indices aussi, bah parce que moi j'écris des trucs et je veux que les gens écoutent. Bon, bah mon Giovanni, je suis désolée, c'était bien tenté, n'empêche. Mais c'est pas Cruella. Tu retentes ta chance, d'accord? Ouais, pas tout de suite. Je te fais des gros bisous, mon Giovanni. Bon courage, hein, pour les cours. Merci. Ouais. Bisous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par SMS? On me dit, bah, Cruella. Bah non, c'est pas ça. Le capitaine Crochet, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Maléfique. Maléfique. C'est la méchante dans La Belle au Bois Dormant. Oui. Elle a les cheveux noirs. Ah oui, oui, mais non. C'est pas maléfique non plus. On me dit, c'est quoi ça? Je connais même pas ce méchant-là, moi. Tommaso Tetitata. Pardon? Tetitata. Attends, oulala. Tommaso Tetitati. Pouah, déjà rien que de le dire. Franchement, ça, j'ai brûlé des calories. C'est la main de l'otiti popo, elle est malade. C'est ça, en fait. Ouais, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Je connais pas. Non? Je connais pas cette chanson non plus. C'est une chanson. Ah, bah attends, démonstration. 3, 2, 1. C'est la main de la titi popo, elle est malade. Elle est malade, titi popo, madame. Pour la soigner, titi popo, faut de la salade. Faut de la salade, titi popo, trois fois par jour. Trois fois par jour. Et puis c'était 1, 2, 3. Et puis il y avait un jeu. Mais c'est un jeu de main en fait. Bah ouais! D'accord. Bah, t'as jamais joué à Titi Popo? Il faut soigner une main avec de la salade. Ouais, oui, c'est ça. Laisse tomber. Okay. Bah, vous connaissez, vous, Titi Popo, non? 3044 pour vos messages. Non, mais rassurez-moi, on n'est pas si vieux que ça quand même. Bah, c'est toi qui es le plus vieux en plus, oui, tu devrais connaître. Pas. Bah, mince alors. Et vous aussi, vous connaissez pas Titi Popo? Dites-moi tout ça, 3044 pour vos messages. On va les lire après le son de Chainsmokers qui arrive sur Fun Radio. On fera un tirage au sort aussi hein, dans quelques minutes pour les places Disney. J'espère que cette fois-ci, vous aurez la bonne réponse. On se fait ça juste après, bougez pas. Et avance allô? Bonjour monsieur, j'appelle du futur pour vous dire merci de trier vos bouteilles en plastique tous les jours. Ouais, alors? Eh ben on fait des trucs incroyables en 2130, grâce au recyclage des bouteilles en plastique. Et c'est vous qui nous avez montré l'exemple. Ouais, et il y aura plus de bouchons en 2130? Ah bah si, hier j'ai mis 6 heures pour entrer chez moi, de Pluton. De quoi? D'où vous avez dit hein? Allô? Curieux? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. Ça fait drôle, hein? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, je suis curieuse. Et vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon. Ouais. Ouais, et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, oh, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut, amis. Bienvenue dans la Ford Fiesta 40 Years Edition. Elle est généreuse et partage avec toi ses connexions Bluetooth et Sync. Reste cool grâce à la clim. Love, Ford Fiesta. Découvrez la Fiesta 40 Years Edition à partir de 10 390 euros chez votre distributeur Ford et profitez en plus d'un financement exceptionnel. Ford, go further. Offre soumise à condition. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Plus d'infos sur Ford.be. C'est encore moi, Hip. Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour pour découvrir des offres de génie dans tous les rayons. Profitez par exemple du cœur de cabillaud pour seulement bam, 14 euros le kilo. Et cette offre de génie que vous ne trouverez nulle part ailleurs se termine déjà aujourd'hui.

death in Tucson, okay. Les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de nous rejoindre, il est 18h. Avant de refaire un petit tirage au sort là pour les places direction Disneyland Paris, il est l'heure de s'informer et c'est avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Hello Audrey, salut à tous. La précarité, la pauvreté, un triste phénomène en expansion que nos dirigeants ne semblent pas capables d'endiguer, à se demander s'ils le souhaitent d'ailleurs, parce que les nouvelles mesures concoctées par le gouvernement pour combler le trou dans le budget vont encore faire un peu plus mal au portefeuille, hein. Il n'y a jamais eu autant de monde au CPS, les banques alimentaires ont toujours plus de succès, et on apprend, via une enquête RTL Info le soir, que 40% des gens qui ont un boulot affirment avoir du mal à boucler leur fin de mois et sont incapables d'épargner le moindre cent. Voilà qui fait penser aux fameux working poor anglo-saxons, donc ces gens qui sont pauvres malgré le fait de bosser. Et c'est que pour être considéré comme étant sous le seuil de pauvreté, il faut gagner moins de 1 250 € par mois chez nous, et ça ne concerne que un travailleur belge sur 7. Et après ça, les patrons diront que nous sommes trop bien payés pour que notre économie soit compétitive. Et à propos de la pauvreté qui gagne du terrain en Belgique, eh bien, elle concerne aussi les agresseurs qui n'ont pas les moyens d'indemniser leurs victimes. Bon, vous me direz que ces gens auraient dû y penser avant d'assommer leurs semblables. Bref, tout ça pour dire que d'après l'ADH, la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence a versé l'an dernier un peu plus de 10 millions d'euros à 991 personnes. Une caisse financée par toutes les personnes condamnées en Belgique à des peines correctionnelles ou criminelles à hauteur de 150 €. On peut donc parler en quelque sorte d'une mutuelle des délinquants pour indemniser les victimes dont les agresseurs sont insolvables. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas insolvable, c'est Donald Trump. Hein. Oui, mais le candidat républicain à la prochaine présidentielle US est-il un agresseur? Bien, c'est en tout cas ce que prétendent deux femmes qui l'accusent d'attouchement sexuel. Des témoignages publiés dans le New York Times. L'une affirme avoir été plotée par Trump alors qu'elle était assise à côté de lui dans un avion. L'autre prétend qu'il l'a embrassée de force en 2005 alors qu'elle bossait comme réceptionniste dans un immeuble appartenant au magnat de l'immobilier. Réaction de Donald Trump, c'est pas vrai, c'est des mensonges, etc., etc. Bon, évidemment, ces scènes n'ont pas été filmées, hein, donc il peut dire ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'avec les casseroles sexistes et misogynes qu'il se trimballe, ben, on risque pas de le croire tout de suite. Hein. Dans les sondages, en tout cas, il se porte de moins en moins bien. Mais s'il est quand même élu président le 8 novembre, ce sera sans doute pas grâce au vote des femmes. Enfin, l'Allemand Tony Martin a été sacré champion du monde dans le contre-la-montre au championnat du monde cycliste au Qatar. Pas franchement une surprise, si on sait que Martin avait déjà remporté 3 fois cette épreuve dans le passé. Ce dimanche aura lieu l'épreuve sur route, en ligne. Les coureurs se plaignent de la chaleur. Bah ouais, les footballeurs en feront autant en 2022, j'imagine. On organise des compétitions sportives dans un vaste champ de pétrole, sans penser à la santé des sportifs, ni à celle des travailleurs immigrés qui meurent massivement en construisant les stades de la future Coupe du Monde. Je vous parlais de ce méga scandale il y a une heure. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. La suite du son des fleurs, c'est avec DJ Snake et Justin Bieber que ça se passe. Et puis je vous rappelle qu'on cherche un méchant là dans les dessins animés Disney. Si vous avez une idée, ah bah c'est maintenant qu'il faut jouer. Hein. On cherche un méchant qui a les cheveux noirs. Voilà, on n'en dit pas plus. Halloween par SMS au 6082. C'est ce qu'il faut envoyer. Tirage au sort juste après. La météo, Carlo. Il paraît que ça va être un petit peu mieux demain. Ah ouais, parce que c'est ce que j'ai dit il y a une heure. Je t'en souviens, c'est très bien. Entre 12 et 16 degrés. Et comme il y aura moins de vent, on sentira effectivement plus la presque chaleur. Et je crois même que dimanche, on annonce jusqu'à 19 degrés. C'est vrai? Cool, ouais. C'est pour la dog pool party en plus. Mais génial, ouais. C'est trop dingue. Allez, on se retrouve dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son de DJ Snake et Justin Bieber. Salut. Fun. Fun Radio. Échappez au frima de l'automne avec Ryanair et évadez-vous à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair. Low fares made simple. Disponibilité limitée. Consultez Ryanair.com. Let me love you. Let me love you. Le son Dance Floor continue sur Fun Radio avec le duo le plus glamour du moment, Rihanna et Drake, qui arrive dans un instant. C'est Too Good. Il y aura aussi de Nightcrawler aussi. Ça sera juste après l'horoscope dans la P.O.R. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ça me fait bien rire le thème de l'horoscope aujourd'hui. Ça va me mettre les nerfs. T'as pas honte? Sérieusement. Bah attends, et quand j'ai vu que le gagnant il a été identifié là, je me suis dit. Fab va vous dire aujourd'hui si vous avez une chance de gagner au loto un jour. Mais le problème c'est que ça m'a mis les nerfs. Le gars, ça y est, il s'est manifesté. Le grand gagnant de l'euro million. On le cherchait partout, mais ça y est, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. C'est un gars de 45 ans, un Bruxellois. Ouais, ouais. Bah alors, c'est cool. Il a l'air d'être sympa. Il a dit ouais, je vais donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. Moi j'en ai besoin. Oui, moi. Bah écoute, la fondation Fabrizio attend toutes les dons que tu veux, donc vas-y, fais péter. Oh, je suis tellement déçue, je sais pas pourquoi, et peut-être vous aussi de l'autre côté de la radio, mais j'espérais que subitement je retrouve un billet quelque part, tu vois, que j'avais oublié, et puis paf, oh mon dieu, j'aurais gagné 168 millions d'euros. Eh bien non, ce n'est pas arrivé. Alors on va vous dire aujourd'hui si un jour, si vraiment ça peut arriver, si un jour vous allez gagner au loto, c'est parti, les béliers. Malheureusement non, votre compte en banque restera aussi vite que celui de la Grèce. Non. Les taureaux. Vous avez déjà gagné au loto, vous avez une femme moche, mais riche. On peut pas tout avoir non plus, hein, les Gémeaux. Vous avez autant de chances de gagner au loto que le directeur d'ING a de chances de recevoir des chocolats à Noël. Oh. Cancer. Il y a peu de chances pour vous gagner quelque chose un jour. La chance, elle fait comme les femmes, au fait, elle passe son temps à vous éviter. Les lions. Une vache a plus de chances de ne pas se faire tripoter par un fermier que vous de gagner au loto. Vierge. Si vous voulez gagner au loto, envoyez-moi un SMS au 64 12 12. Je vous enverrai les chiffres, je vous ferai revenir votre femme et je vais réparer votre ordinateur. Pour 10 euros de plus, je passe l'aspirateur. L'espèce d'arnaqueur, là. Les balances. Pour vous donner une idée, vous voyez Stromae ? Ouais. Eh bien, ouais. Vos chances de gagner au loto sont comme lui, minces, très minces. Les scorpions. Je pense que Lukaku a plus de chances de marquer un but avec les diables que vous de gagner au loto. Ouais, il est mauvais, Lukaku. Et il marque jamais. Ah, d'accord, autant pour moi. Les sagittaires. Il n'y a que le tram 55 qui ne soit pas encore passé sur votre femme. Alors, si vous n'avez pas une chance de cocu, personne ne l'a. Enfin ! Les capricornes. Les femmes apprendront à se garer en moins de 45 minutes avant que vous ne gagniez au loto. Alors, on est deux, hein, dans le studio. Oui. Hein, bah, et il n'y a personne qui démentit. Vas-y, répète si t'es un homme. C'est vrai, vous mettez du temps, vous garez. Non. C'est pas vrai. Les femmes, on est super bonnes au créneau, tu rigoles, non, quoi. Vous êtes super bonnes. Ah, c'est bon, chose, tu m'as énervé. Les Verseaux. Ça serait presque nécessaire, vous gagnez au loto, vous pourriez refaire vos dents, votre nez, vos seins. Enfin, ça, c'est juste le plus important. Et on termine avec les poissons. Vous allez gagner au loto, vous allez acheter une grosse voiture, une grosse maison, et puis vous allez vous réveiller parce que c'est qu'un rêve. Oh oui, ce serait tellement chouette. Ça, c'était toi. Hein. Oh, 168 millions de patates. Oh! T'es toujours avec la bouffe, toi. Oh, j'ai perdu. Bon, allez, on se fait le son de Nightcrawler. Ah, c'est bon ça. La fille qui change d'humeur en deux secondes, tu vois. Hey, c'est bien ça, de Nightcrawler qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi Rihanna et Drake, et juste après, bougez pas. On fait le tirage au sort pour les places de Disney. Et ouais, on vous envoie voir Mickey. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bougez pas. Ouais, c'est cool. Baby, it's up to you.

C'est tellement bon qu'on en profite jusqu'à la fin. Rihanna et Drake sur Fun Radio avec Too Good. J'espère que tout se passe bien justement pour vous là de l'autre côté de la radio. Merci de passer votre soirée avec nous là, avec la POR. On est ensemble hein, jusqu'à 20h avec plein de sons dance floor qui arrivent. Il y aura du belge avec Dimitri Vegas et Like Mike dans un instant. Et alors rien que pour vous. Et aujourd'hui c'est spécial nouveauté. Hein. C'est parti. Hein. On a sorti tout ce qu'on avait. Le nouveau Bruno Mars. Bim. Eh, ça faisait longtemps qu'il avait plus rien fait lui, non? Bah non, après. On avait plus entendu. Uptown Funk. Uptown Funk, tong tang to you. Ding. Chanson impossible à chanter. Hein. Moi, c'est ça, que moi-même, quand j'essaye, ça marche pas. Donc, le nouveau Bruno Mars, c'est ce qui arrive dans un instant. Avant ça, on avait promis qu'on allait refaire un tirage au sort là pour les places de Disney. Je rappelle qu'on cherche un méchant. Un méchant. Et vraiment pas gentil du tout. Très, très, très méchant, même. Un méchant de Disney qui a les cheveux noirs. Oui. Alors, je peux vous dire que on galère, même dans l'équipe, à essayer de trouver la bonne réponse. Je sais pas ce qu'il a, le Fab, aujourd'hui, mais il devait pas être de bonne humeur pour balancer des indices de merde comme ça. Hein. Tu vois, moi j'ai jamais été à Disney. Je trouve qu'aller à Disney, ça se mérite. Ah, on peut pas donner des places comme ça, là, aux gens. C'est un beau cadeau. Il faut chercher un peu. Bon, alors, on a justement Marcia, qui vient de Dilbeek, qui a peut-être une idée. Bonjour, Marcia. Bonjour, c'est Louis. Oh, c'est Louis. Ah, c'est son fils. Oh, ben Louis, t'as quel âge? J'ai 11 ans. T'as 11 ans, ça va Louis? Ça a été la journée? Oui. Ça a été à l'école? Oui. Ouais, les profs, ils étaient pas trop chiants? Non. Non? Tu peux dire la vérité, hein. Hé, hey, Louis, psst, est-ce que t'as une amoureuse? Non. Ouais, dis la vérité. Arrête de mentir, Louis. T'as pas d'amour. T'as jamais fait un bisou sur la bouche à une autre amoureuse? Mais il a 11 ans. Bah, un pop. Jamais? Non. Non? Et t'as pas d'amoureuse du tout? T'oserais pas mentir, quand même. 4. 4. Ah bah voilà, ah, ça me plaît bien. Vous savez ça. Mais non, pas bien. Juste, il faut commencer comme ça, c'est bien. Louis, c'est bien Louis. Non, Louis, c'est une à la fois normalement. Bon allez, mon Louis, est-ce que tu as une idée du méchant qu'on cherche? Mon idée, c'est Gothel, la maman de réponse. La maman de réponse. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con ça. Elle a des cheveux noirs et elle est super méchante. La maman de réponse. Eh bien, tu sais quoi? Je ne l'ai pas vue. C'est pas ça. Ça peut pas être elle. Oh non. C'est pas la bonne réponse, mon Louis. Je suis désolée, mon chéri. Bah, tu sais quoi, je te file quand même du cadeau Fun Radio. Juste parce que t'es quand même venu participer, d'accord, Louis? Merci. Eh, hey, tu peux encore retenter ta chance, hein, c'est pas fini, hein. Personne l'a trouvé encore la bonne réponse. Donc, c'est à toi de jouer, mon Louis. Je te fais des gros bisous. Donc, ce n'est pas la maman de réponse. Non. Ce n'est pas non plus tout à l'heure, on a dit comment ça s'appelait Gaston. Gaston, c'est non pas plus. Gaston. On en a dit plein, on a dit Capitaine Crochet, c'était pas ça. C'est pas non plus quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit? Je me souviens plus. Le Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet, Gaston. La belle-mère de Cendrillon, on nous a dit tout à l'heure. Cruella d'enfer aussi, on nous a proposé. Ce n'est pas ça. Alors, ce que je te propose, parce que là, quand même, on est tous en galère, ça peut pas continuer comme ça. Donne un indice en plus. Ouais, bon, alors, il ressemble un petit peu à la fouine. À la il fouine. A une longue barbichette devant, comme ça, torsadée. Hein? Tu sais, un truc tout fin là qui pend dans ton menton. Ouais, mais je vois bien ce que c'est, une barbichette. C'est juste que je cherche un méchant qui a une barbichette. On peut pas donner un indice genre sur le dessin animé? Ouais, vas-y, dis un truc sur le dessin animé. Il fait quoi? Balance tous les indices que t'as, c'est bon. Allez, le gars, c'est un vizir, il veut devenir un sultan. Ah! Et il y a un mec avec une lampe qui lui pourrit la vie, un génie. Le méchant dans le film de. Le nom. Oh, si vous avez une idée. Ah là, cette musique là. Vous envoyez Halloween par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Là, franchement, on vous a aidé pas mal. On fera un petit tirage au sort avant 19h, c'est promis. Côté son dance floor, c'est Dimitri Vegas et Like Mike qui arrivent juste après. Restez bien là. Le nouveau Bruno Mars, rien pour vous sur Fun. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs, dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Rêveur ou pragmatiste, gagnez un relooking d'une valeur de 2500 euros et beaucoup d'autres prix. Conditions en magasin. Levi's, let's color. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous êtes plutôt compte perso ou compte commun? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, ouais, enfin sauf la lessive. Hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Avant, je me trouvais dans une voiture téléguidée. Vroom. Et moi, dans une lampe de poche bleue. Mais maintenant, on traîne à la cave. Oh là là.

bon, le nouveau Bruno Mars, à l'instant sur Fun. La suite, c'est avec Galantis que ça se passe. No Money, il y aura aussi Maître Gims, J'ai tout donné, mot final song dans le prochain quart d'heure sur Fun. Ça sera après ça. Fun Radio. À côté d'eux, les experts ont l'air ridicules. L'Happy Hour avec Audrey vous file un coup de pouce. Et d'ailleurs, Maître Gims, là, qui est en concert avec Fun Radio. Le 10 décembre. Le 10 décembre, je peux vous dire qu'on est presque sold out. Je dis ça, je dis rien, mais si vous voulez aller le voir, c'est maintenant que ça se passe, les copains. Allez voir sur funradio.be, il y a toutes les infos si vous voulez aller voir le Maître Gims, le seul, l'unique au monde. The only one. Il va falloir se grouiller, les copains. Bon, avant ça, on a Fanny qui est là. Fanny qui a besoin d'un petit coup de pouce. Elle a fait appel à l'équipe. Bon, bah, vous savez, on aime bien aider les auditeurs, nous, dans l'émission. D'ailleurs, si vous avez des problèmes, peu importe, on est là, hein. Problème de boulot, problème de logement, d'amour, n'importe quoi, on essaye toujours de vous aider ici, hein. Moi j'ai un petit problème, en fait. T'as toujours pas de poil au menton, c'est ça? Ouais, non, on va pas trouver une barbe. C'est pas ça, c'est que mon collègue, en fait, il fait des vannes, mais parfois et c'est pas drôle. Drôle. Et du coup, et bah, tu sais quoi, j'appelle et la prioir. Fou, et bah, je vis la même chose. Ouais, et donc c'est dingue, ça. Je t'appelle, il y a moyen de faire quelque chose ou pas? Non? Je vais trouver un truc à vous répondre et puis je vais vous répondre, voilà. Mais méchamment tous les deux dans la gueule. Et tu sais quoi, c'est qu'en plus, moi, mon collègue, il est pas drôle et en plus, il a pas de répartie. Toi aussi, il fait ça? Ah, pareil. Ah, ouais, c'est pareil, ouais. Et ton collègue, il s'appelle pas Fab? Fab, ouais, oui, mais c'est ça. Ah merde, elle est là, mais je suis dans la pièce, je vous entends, foutre de ma gueule. Hein. Mais on t'aime, mon Fab. Bon, ma Fanny qui vient de la Louvière, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, Fanny, t'as fait appel à l'équipe, t'as besoin d'un petit coup de pouce. Alors, explique ce qui se passe aux auditeurs. Voilà, en fait, je suis graphiste et motion designer. Oh, ça le fait, ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air vachement chouette. Ouais. Donc, graphiste, je pense que tout le monde connaît. Ouais, ça, c'est bon. Motion designer, c'est du graphisme en vidéo, en fait. Donc, tout ce qui est publicité, qui passe à la télé, au cinéma, tout ça. Tu fais de jolies choses. Oui, voilà. Et en fait, je cherche un travail. D'accord. Voilà, simplement. Et donc, c'est quoi? C'est pour bosser dans la région de la Louvière ou tu peux te déplacer? Je peux me déplacer, oui, j'ai une voiture, je peux me déplacer assez loin. Ouais, t'es grave motivé, quoi. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Bah, et s'il y a quelqu'un qui écoute l'émission, enfin, j'espère déjà qu'il y en a un. Non, mais franchement, si le profil de Fanny vous intéresse, n'hésitez pas à vous envoyer job par SMS au 3044. Hein. T'as déjà de l'expérience, Fanny, dans le domaine? Oui, j'ai travaillé dans une boîte en tant que freelance, donc de temps en temps. Ouais. Je suis aussi actuellement freelance pour des projets de courte durée. D'accord. Ouais, tu cherches un truc stable, quoi. Voilà, de préférence stable. Après, je cherche aussi de l'expérience en plus. Oh, c'est cool, t'as l'air toute motivée en plus. J'imagine que tu veux rester dans ta branche parce que sinon chez Quick, près de chez moi, je sais, ils cherchent quelqu'un. Mais enfin ouais, non. Attends, ça la meuf, pas trop. Elle a pas fait des études pour, tu vois, elle s'est fait chier pour apprendre un truc et puis après. Je demande, je pose cool des aussi questions. Bosser au Quick, hein, ça peut être chouette, mais. Et est-ce que t'as un site internet? Ah bah oui, c'est création. Oui, j'ai un site internet, donc un portfolio. Donc c'est fannyblondio.be. Donc Fanny, Zeny grec, Blondio, BLONDIAU. Point BE. Bah voilà, ouais, ma Fanny, voilà. Le message il est passé à l'antenne de Fun Radio. J'espère que quelqu'un sera intéressé en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Et est-ce que tu es sur Mythique aussi ou pas? Arrête. Non, je suis pas sur Mythique. Non, merde. Regarde l'autre là, il essaie de la pécho, Fanny, la pauvre. Non, mais c'est pour les auditeurs, tu vois, je suis sympa. Non, laisse-la tranquille. Okay, bon, si vous êtes intéressé par le profil de Fanny, allez-y, si on peut l'aider ici sur Fun Radio, ça serait vraiment cool. Hein. Vous envoyez job par SMS au 3044 et comme ça on vous met en communication. Et puis si on peut lui trouver un boulot, bah c'est cool. C'est pas facile en plus, franchement. Si on peut s'aider un petit peu là sur Fun, c'est sympa. On va sur le son de Maître Gims, J'ai tout donné. Il y aura du Galantis là maintenant avec No Money. Et juste après, direction Disney. Bougez pas. Comment dans la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Regardez pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Donc regardez pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal, je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en lambeau. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Regard vive pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard vive pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Laisse-moi devenir ton allié. Pour nos ennemis, un alien. Repose-toi sur toi, je veille. Je serai là quoi qu'il advienne. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Hey, yeah. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris sur ton moi. Regard vive pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard vive pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. Bienvenue sur Fun Radio. Si vous venez de nous rejoindre, la suite du son Dance Floor, c'est avec Mo que ça se passe. Final Song. Il y aura aussi le nouveau Aaron Chupa, là. Le truc où tu rebondis tout le temps, mais tu sais pas pourquoi tu le fais. Bah, c'est ce qui arrive. Juste après les potins maintenant dans la Power. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le Zizi. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Ouais, et aujourd'hui, on va parler de Harry Potter. Yeah! Ah. Je savais que c'est une nouvelle qui allait faire plaisir à tout le monde, mais il est là, il est arrivé, le dernier livre de la saga Harry Potter. Non, c'est ce soir à minuit. Oui, officiellement, alors la maison d'édition l'a dit, interdiction de vendre le livre avant minuit. Donc ce soir, dans Bruxelles et dans pas mal de... Il va y avoir des librairies d'ouvertes. Ah mais il y a plein. En fait, ouais, dans toute la Belgique, il y a plein de librairies qui vont rester ouvertes et il y a déjà des files. Moi, je suis passé tout à l'heure devant chez Filigrane. Il y avait déjà des gens qui attendaient. C'est une vanne. Non, avant l'émission, il y avait déjà. Ah oui, il y avait déjà des gens qui attendaient parce qu'il y a que 1200 exemplaires, par exemple, dans cette librairie là. Puis il y a la Fnac aussi qui en a et les gens attendent au fait et à minuit, boum, ils ouvrent les trucs. Alors il y aura plein d'animations, ça c'est cool parce qu'au moins les gens attendent pas pour rien, tu vois, des quiz, des déguisements, des trucs comme ça. Ah génial. Et ils vont pouvoir choper l'Harry Potter et l'enfant maudit enfin ce soir à minuit. Pile. Et ça raconte quoi ce livre? Pourquoi tout le monde se l'arrache? Moi je croyais que c'était fini Harry Potter. Elle avait dit, l'auteur là, c'était terminé, j'en ferai plus. Elle a besoin de thunes en fait. Enfin, c'est ça quoi, elle doit payer sa facture d'électricité la meuf. Elle est pas chez Luminus non? Ouais, je sais pas. Non mais 9 ans après elle s'est dit voilà, je m'en ressortirai. Ok. Et ça se passe au fait après le dernier film d'Harry Potter. Ouais. Et ça raconte qu'ils sont devenus maintenant qu'ils sont grands en fait. Harry il travaille il est devenu fonctionnaire. Il travaille mais non c'est nul. À la Stipe de Poudlard. Hermione elle se tape le roux. Ils sont installés. Ils ont deux gosses. Oh mon Dieu. Ouais c'est lié. En fait c'est il y a une pièce de théâtre qui a été faite à Londres et qui sera encore jouée jusque je crois fin décembre 2017. Ouais. Donc encore pendant un an. C'est quasi sold out tout le temps. Et ça raconte cette histoire là en fait. Que sont devenus les héros d'Harry Potter après Harry Potter. Les héros. Hein, parce que tu sais, on fait pas la liaison, mais si tu veux, un jour on fera une dictée en direct à l'antenne de Fun Radio. Ça fait drôle ça. Ça me fait plaisir, c'est pour moi, Fab. Fais ta dictée, je suis pas sûr d'être dernier. Hein je me permets d'intervenir quand même. Bon, on a Marie qui est là qui vient de Liège. Salut Marie, ça va? Oui, bonjour. Et voilà, bonjour. Encore une liégeoise qui n'a pas l'accent. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah bah si, quand même un petit peu, non? Ah là oui, voilà, tu as fait une rechute, c'est parfait. Voilà. Bon, Marie, est-ce que t'es une fan de Harry Potter, toi? Ah oui, quand même. Ouais. Mais tu serais capable de faire la file, vraiment comme ceux qui sont déjà devant les magasins depuis 17h. Tu serais capable de faire ça pour acheter le nouveau roman? Non, pas à ce point-là, mais bon, je suis contente quand même quand ça sort. Et puis, j'aime bien lire le bouquin et voir les films aussi. Ouais, bon, mais toi, t'es fan de Harry Potter le dimanche soir quand t'es fin diffuse, quoi. Ouais, tu ne sens pas trop de fatigué, hein, c'est le délire. Harry Potter, c'est un plaid, un thé, des mais biscuits non, c'est dans ton cool, canapé. Quoi, mais... C'est vrai que je suis pas méga fixée là-dessus. T'es pas quoi. Une voilà, psychopathe bien, de Harry Potter, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis par contre, si t'aimes bien les films, j'ai encore une autre bonne nouvelle pour toi. Tu vois, Harry Potter, dans la série, au fait, à l'école, il doit étudier un livre qui s'appelle Les Animaux Fantastiques. Ouais. C'est tous les animaux un peu bizarres que tu trouves dans la magie, au fait. Et ce livre a été écrit par un mec. Et le 16 novembre sort Les Animaux Fantastiques. C'est le livre qui raconte l'histoire, au fait, de la création du gars qui a écrit le livre, qui est arrivé. Ça, on s'en fout, ça. Ah non, ça a l'air de tuer. Ouais. C'est une nouvelle trilogie qui sera liée à l'univers Harry Potter, au fait, et qui va tout déchirer. Ah bah parfait, voilà pour les infos concernant Harry Potter. Marie, je te fais des gros bisous. Merci d'être venue faire de la radio oui, avec nous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous bah, bon bien quelle soirée. Ouais. Ouais. Salut Marie. La suite du son Dance Floor maintenant, comme promis, avec Mo Final Song que je vous cale sur Fun Radio. Et juste après, on vous file vos places direction Disneyland Paris. Bougez pas. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô. Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon, c'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein. Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Chérie ? Oui ? Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi ? Tu trouves que c'est trop? Non. Mais enfin, 12 chaises, mais où est-ce qu'on va mettre ça, enfin? Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. La question du jour de Pizza Hut. Citez-moi 5 qualités du menu tout compris de Pizza Hut le jeudi. Une entrée, une pizza au choix, un dessert, une boisson de 10 euros. Exact. Aujourd'hui, dans les restaurants Pizza Hut, une entrée, une pizza au choix, un dessert et une boisson pour seulement 10 euros. Cuisine Créfelle. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Ce soir à 22h25 sur Plug RTL, Secret Story, l'hebdo. Soyez les bienvenus dans Secret Story 10. Les vérités éclatent, mais les amitiés vont-elles tenir? Ce qu'elle dit, c'est faux. Pour moi, c'est une séductrice, une joueuse. La discussion, elle est terminée. Salut. Retour sur les événements de la semaine. C'est kiffant. Mais surtout, qui va nous quitter ce soir? Inédit, Secret Story, l'hebdo, ce soir à 22h25. Plug RTL. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. A Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find a new direction.

énerve le garçon à la fin. Le son des soirs continue, mais oui, c'est bon ça, le nouveau Aaron Chupa qui arrive dans un instant. Oh, je suis excitée comme une puce. Je le kiffe celui-là. Vous l'aimez pas sérieusement? Si, si, il est bien. Il met la pêche, moi, je trouve. À fond. Quand tu l'écoutes, t'es là, t'as envie. Ouais, tu fais des chorégraphies à la con. Je suis sûre que vous allez en faire de l'autre côté de la radio. On vous voit. Mais je trouve que ça fait une musique un peu, tu vois, des années 50. Enfin, ouais, c'est du Charleston. Voilà, c'est je ça? Sais pas ce qu'il sait, mais ça a l'air sympa. Je suis fière de vous, sincèrement. Merci. Vraiment, vraiment, je suis très fière. Bon, on va faire le tirage au sort maintenant pour donner les places pour aller voir Mickey à Disneyland Paris. Mouse. Pendant la période d'Halloween, c'est bientôt. C'est dans combien de temps d'ailleurs, Halloween? Mais c'est fin du mois, hein. Ah bah oui. C'est un peu le 31 octobre. C'est ça. Non, bah des fois chaque ça commence année. Un peu plus tôt, tu sais, Saint-Nicolas, c'est aussi le 6 décembre, c'est ça? Ouais, ouais. Bravo. Excusez-moi, hein, moi juste... personne ne m'a jamais fêté la Saint-Nicolas. Mais t'es française, Saint-Nicolas. Non, je suis pas française, bordel. C'est ce que mon père me dit. Moi, je suis belge. Je suis née à Charleroi, mec. Il y a pas plus belge que moi. Saint-Nicolas, il l'a entendu. C'est des Français. Mon père est français. Ma mère est française. Mais je suis une putain de belge. Mais déménage alors. Peut-être que Saint-Nicolas il va passer. Ne me chauffe pas sur ce sujet-là, ça va m'énerver. De quoi? C'est un sujet de discussion en famille chaque année. Je n'ai jamais de cadeau à Saint-Nicolas. Toi, t'es française. Quand la France elle gagne? Je suis franco-belge et donc alors ça change maintenant. Non, je suis belge, je suis franco-belge. Alors je mériterais un cadeau de un moitié de cadeau. C'est quoi Saint-Nicolas? Continue à pas venir. C'est un gros radin, moi je te le dis, Saint-Nicolas. Et sinon, pendant votre débat un peu ridicule, j'ai compté, il reste 17 jours avant. Ah, merci avant mon Halloween. Sandro, 17 jours et vous allez pouvoir aller voir Mickey à Disneyland Paris avec les citrouilles, les méchants qui seront dans tous les sens au parc. Testez toutes les attractions de Disney hein, si vous y êtes jamais allé. C'est génial, il y a le Space Mountain pour ceux qui veulent des attractions. Une espèce de fusée qui fait semblant de partir dans l'espace comme ça. Il y a des loopings dans tous les sens. Oh, vous avez la tête qui balade de gauche à droite. Alors, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Dis-moi, mon petit frère. Je vais te trouver l'attraction qui te correspond. Moi, je veux voir Ratatouille. Il paraît que c'est bien avec, oui, avec des effets spéciaux et tout. Ouais, c'est un truc en 4D, je crois. Ouais, voilà, c'est projeté sur. Ça, j'aime bien. On ça, c'est très cool. On regarde. Et alors, ce qui est sympa dans l'attraction de Ratatouille, c'est que non seulement le truc est en 4D, mais alors, par exemple, à un moment donné, vous passez en dessous d'un four, et vous avez chaud. Vous passez dans la cave, et vous sentez l'odeur du bon pain. C'est trop bien fait. C'est trop mignon. Moi ce que j'aime bien, c'est la tour infernale. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ah, c'est l'hôtel. Ouais, c'est le. L'hôtel. Comment elle s'appelle ce truc? C'est de quoi c'est l'hôtel. C'est la tour infernale. Toi, c'est ta chambre, c'est ça? Tu vas dans ta chambre, dans ton hôtel, tu dors. La quatrième dimension. Le mec, il dit toujours ça au départ de l'attraction. C'est la. Mais je pense que c'est la tour infernale. Il y a personne qui s'y connaît dans l'assemblée. Si je la trouve pas. Okay. Quelqu'un connaît le nom de la tour de Disney? C'est pas l'hôtel quelque chose? Hollywood Tower Hotel. Hollywood Tower Hotel. Voilà, c'est ça. Magnifique. Merci Audrey. Non, de rien, je t'en prie. Bon, alors. Ah, merci à moi aussi, hein. Ouais, merci Alice, c'est bien. On fait sonner maintenant, c'est parti. Quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse, on cherche un méchant depuis tout à l'heure. Un méchant qui a les cheveux noirs. Et une barbe comme la fruit. Et qui ressemble à la fruit. C'est pas le bon numéro. Attendez, je vais traduire que le numéro que tu as composé n'est pas attribué. Bah alors, on applaudit François, première bourde. Merci. Bravo, voilà. François, bravo. Magnifique, François. Bravo, François, ça va arriver, mon vieux. Donc il y a un emploi à pourvoir dans c'est la Piawa. C'est pas possible, franchement. Bon, bah alors on fait comment maintenant? Mais moi je dis on laisse encore la chance à d'autres auditeurs. Bah non, moi je voulais faire le tirage au sort maintenant. Non, je ne bouge pas d'ici tant qu'on fait pas le tirage au sort. Et je peux te prendre par les sentiments? Tu peux me prendre, oui, si tu veux. Genre, tu vois, cette musique-là. Bon d'accord, on écoute Aaron Chupa et après on fait le tirage au sort, hein. C'est promis, hein. Promis. Vous arrêtez, hein. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- this is Grandpa's groove. Da ba ba ba ba da ba ma ba da ba. Ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Bon, bah comme le stagiaire François, le petit nouveau de l'équipe a foiré. On va devoir refaire un tirage au sort dans quelques minutes là pour les places de Disney. On se fait ça, c'est promis. J'espère que cette fois ça va fonctionner. Hein François, c'est promis ? Promis ! Voilà, magnifique. On se fait ça après les infos de Carlo. Bonsoir Carlo. C'est vrai, salut à tous. Bon, bah c'est pas que j'ai envie de vous faire peur hein, les gars, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Tout se passe en ce moment comme si la Russie se préparait à une troisième guerre mondiale. Vous regardez les infos sur la première chaîne nationale, donc l'équivalent russe de notre RTVF, et vous entendez le présentateur affirmer qu'en Syrie, les batteries anti-aériennes russes vont abattre les avions américains. Bon, déjà, ça, c'est pas rassurant. Vous zappez, histoire d'entendre parler d'autre chose, et là, vous tombez sur une chaîne d'infos en continu, Russia 24, qui présente un reportage sur la préparation des abris anti-nucléaires à Moscou. Là, vous en avez un petit peu marre, hein, vous éteignez la télé et vous allumez la radio pour entendre parler d'exercices de défense civile mobilisant 40 millions de Russes pendant une semaine, avec au programme évacuation d'immeubles et exercices d'incendie. Vous éteignez la radio et vous décidez de surfer sur le net pour tomber sur un site où on vous explique que le gouverneur de Saint-Pétersbourg veut rationner le pain pour une future guerre. Du coup, vous laissez tomber les médias russes et vous achetez un tabloïd anglais affirmant que les proches des responsables russes vivant en Europe sont instamment priés de rentrer au pays vite fait. Le Daily Star a publié un mystérieux rapport selon lequel Vladimir Poutine serait sur le point de déclencher une attaque nucléaire contre l'Occident. Bon, c'est vrai que les tabloïds britanniques publient un petit peu tout et n'importe quoi et qu'il ne s'agit que d'une rumeur, mais tout ça est d'autant moins rassurant que Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, a lui-même affirmé tout récemment que le monde, je cite, s'approchait dangereusement de la zone rouge. Le dernier prix Nobel de la saison 2016, celui consacré non pas à la paix, c'était un comble après ce que je viens de raconter, mais à la littérature, a sacré un monstre sacré de la chanson, à savoir Bob Dylan. Ah ouais, c'est pas banal, hein, c'est la première fois qu'un représentant d'univers musical est ainsi récompensé pour son talent de poète, en l'occurrence, plus que de musicien, ça va de soi. Bob Dylan, c'est le chanteur folk rock de la contre-culture américaine dans les années, ou plutôt à partir des années 60, vu qu'à 75 ans, il poursuit sa carrière, il est en tournée en ce moment aux États-Unis. Le comité Nobel lui a donc remis le prestigieux prix pour avoir créé, je cite, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. En fait, je suppose que c'est la première fois qu'on remet le Nobel de littérature à quelqu'un qui n'a jamais écrit de roman. Et puis, coïncidence troublante, c'est justement le jour où on remet le prix Nobel de littérature 2016 qu'on apprend la mort du Nobel de littérature 97, à savoir l'homme de théâtre italien Dario Fo, à l'âge de 90 ans, homme de théâtre mais qui avait écrit des romans lui. Cet anticonformiste était devenu célèbre en 1969 avec Le Mystère Bouffe, une épopée des opprimés dont le héros, un jongleur, enseigne la révolte par le rire. Et il faut noter que quand Dario Fo a écrit cette œuvre, il y avait nettement moins de raisons de se révolter qu'aujourd'hui. Fun Radio. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Il y aura dans cette émission du son dance floor, Pitbull avec Florida, Calvin Harris et Major Lazer. C'est ce qui arrive dans un instant. Il y aura aussi du cadeau, les places pour Disney. On fait le tirage au sort, c'est promis, juste après la météo de Carlo. De la douceur demain au programme entre 12 et 16 degrés. Cela dit, pas mal de nuages et quelques averses le soir. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain matin à 7h30 et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Pitbull et Florida. Salut. Fun Radio. Réservez maintenant nos destinations de l'été 2017 à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair, low fares made simple. Disponibilité limitée, consultez ryanair.com. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. And step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, glow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Branchés sur Fun Radio, c'est la Piawar. Moi c'est Audrey, si c'est la première fois que vous écoutez Fun, il y a Fab. Présent. Il y a Sandro. Bonjour. Alison. Oui. François. Salut. Et puis Marc. C'est, bah c'est tout, parce Jean-Luc. Qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Hein. Bon, il y aura quoi comme son dance floor dans un instant, Sandro? Bah, je viens de le mettre. Bah, c'était pas quoi? J'ai pas écouté Calvin Harris? Non. Major Lazer? On va s'écouter non. Mike Brown. Si, c'était Calvin Harris, avec... arrête de me saouler. Eh ben non, c'était même pas Calvin Harris. Tu vois, tu n'écoutes pas de mon travail. Major tu Lazer. M'aimes plus. Oh. Je ne t'ai jamais aimé. Non, non je rigole. C'est bon. Non. La violence. C'était quoi? Ah, Major Lazer. Voilà, voilà, c'est ça. Avec Lalilop. Lalilop. Lalilop. Pourquoi est-ce qu'à 19h, toujours, cette émission, elle part en couille? Tu vois, genre, il n'y a plus rien de sensé dans cette émission. On avait dit au boss d'arrêter ouais. à 19h. Il n'a pas voulu nous écouter. Voulu, bien bah fait non, pour sa ça gueule. Part en couille. Bon, on va faire le tirage au sort maintenant, en espérant que François, le stagiaire, arrive pour une bonne fois pour toutes à inscrire un numéro de téléphone dans un standard. Tu crois que ça va aller, François? Je crois, cette fois-ci. Oui, tu sais compter jusqu'à 10. Je t'ai pas demandé, en fait. Ça se trouve, c'est ça. Non, oui. Oui, voilà, j'adore le mettre mal à l'aise. Je te taquine, mon François. Mais quand même, fais ça bien. Sinon. Je vais devenir violente. Oh, ne me cherche pas. Moi, je sais qu'elle est très méchante quand elle veut. Ah oh ouais, tu vois 50 ans de grès, bah à côté c'est rien. Ok. Ah. Ah, ça l'air intéressant. Pourquoi tu ramènes ça au cul tout de suite? Ouais, coup de fouet, bim. Oh. Ah d'accord. C'est parti, on fait sonner. On cherche un personnage de Disney, un méchant qui a les cheveux noirs, qui ressemble à la fouine et qui est vizir, mais il voudrait bien être. Vizir. Non, il est vizir, mais il voudrait être sultan. Ah, ah voilà, c'est ça. Bon, comme... si ça décroche et qu'elle donne la bonne réponse, c'est gagné. Mais je crois que là, il travaille dans un kebab pour le moment, c'est mal passé. Non, s'il vous plaît, décrochez, vraiment. Allez. S'il vous plaît. J'ai pas les nerfs. Allô? Oh, magnifique. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est qui? C'est moi. C'est Kim. Bah, quoi, c'est qui? À ton avis, c'est qui? C'est Kim. Ah, c'est Kim. Kim, c'est son prénom. Je croyais qu'elle me disait. C'est qui? Ah oui, et toi, t'es qui? Le truc. Ah non, c'est mon prénom. C'est Sandra Kim qui est là. Oh non, arrête tes couilles. Kim, tu viens d'où? T'as quel âge? Je viens d'Ivoire. D'Ivoire. J'ai 24 ans. La 24 ans. J'ai la Côte d'Ivoire. Tais-toi. Il y a pas longtemps, d'ailleurs. Excusez-moi, je. Alors, je lance un appel à Fabien, chaud, à Fabien, le technicien de Fun Radio. Tu peux déconnecter son micro à distance. Je te donne l'autorisation. Bon, alors, Kim, merci, t'as joué gentil. Pour repartir avec tes places pour aller voir Disney. Oui. Enfin, Mickey, parce que Disney, c'est grand. Alors, on cherche un personnage, un méchant de Disney qui a les cheveux noirs. À ton avis, c'est qui? Je l'ai envoyé Jafar. Jafar. C'est vrai que Jafar, il est pas très beau, il est méchant. Il a une barbichette. Il a les cheveux noirs, il ressemble un peu à la fouine. Il veut être sultan? Ouais. Bah, Kim. Ouais. C'est gagné! Bravo! Ah, c'est super! Félicitations, Kim! Tu repars avec tes places pour aller à Disney? Tu vas y aller avec qui, ma chérie? Avec mon amoureux. Non. Oh, alors c'est génial, on a mon beau Disney, hein. Oh, y a plein... Ah oui. Franchement, c'est quoi, c'est... On dit c'est pour les enfants et tout, mais non, c'est super romantique Disney, non. En fait. Hein. T'aurais pu ah me faire oui, gagner des places. C'est chouette. Tu vas t'éclater, Maxime. Tu nous feras des photos, tu nous mettras tout ça sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey, d'accord? Bien sûr. Ah oui, grand plaisir. Parfait, Kim. Félicitations, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées hors antenne, d'accord? Super. Bisous, merci beaucoup, Kim. Bah, nous aussi, on t'adore. Nous premiers. Bon, ok. Si vous voulez gagner des places comme Kim, c'est possible encore. Demain, on en a. Eh non, attends, demain, c'est un séjour qu'on file. Ouais. Un non. Séjour. Hey, oh, il a déconnecté son micro. Hey, ouais. Bravo, Bibou. Et ça, c'est beau, ça. Ça va, il y en a un autre. Et merde, déconnecte tous les micros, s'il te plaît, Fabien, le technicien qui peut faire des trucs à distance. Et ça, c'est beau. On peut plus parler. Say, at least I did it my way, lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Fun Radio. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Cut it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. Continue sur Fun Radio avec le son de Parakeet, c'est Save Me qui arrive. Il y aura aussi le nouveau, la Black M. Vous l'avez découvert il n'y a pas si longtemps sur Fun Radio, c'est ce qui arrive juste après l'horoscope. Save me, save me. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, c'est triste ce qui nous arrive. Vous avez vu l'info avec le gagnant de l'euro million? Oui. Ah ouais. On le cherchait et tout, hein. Il ne l'avait pas trouvé tout de suite, mais là, ce matin, ça y est, le gars s'est manifesté. Un monsieur de 45 ans de la région de Bruxelles et qui a gagné le gros pactole de 168 millions d'euros, les gars. Énorme. Et le pire là-dedans, c'est qu'il ne va pas pouvoir profiter longtemps. Pourquoi? À 45, bah, 45 ans, bon, ça va quand même, hein. Ça va toi? Bah, 45 ans, 168 millions d'euros. On fait donc un gros bisou à tous les gens qui ont la quarantaine et qui écoutent Fun Radio. Vous n'en avez plus pour longtemps. Dommage. Moi, tu me laisses une semaine, je te dépense tout. Hein. Bah, c'est ça, une semaine, 168 millions. Oui. Mais même si tu veux, je crois qu'il n'y a pas moyen de dépenser tout si vite, tu vois. Ah ben, donnez-moi 168 millions et après je fais le pari. Déjà, avec vous, apprends à dire 168 millions. 168 millions. Oh putain. On voit le mec qui n'a pas l'habitude. Hein. C'est ça quoi. Bon, on va vous dire justement dans l'horoscope si un jour, à vous aussi, ça va vous arriver, si vous allez gagner au loto, les béliers. Malheureusement, non. Votre compte en banque restera aussi vite que celui de la Grèce. Les taureaux. Vous avez déjà gagné au loto. Vous avez une femme moche, mais riche. Ça, c'est méchant. Les Gémeaux. Vous avez autant de chances de gagner au loto que le directeur d'ING a de chances de recevoir des chocolats à Noël. Ouais, et c'est lui qui a Caterpillar aussi, il aura pas de chocolat, c'est sûr. Oui, les cancers. Il y a peu de chances que vous gagniez quelque chose un jour. Hein. La chance fait comme les femmes, fait, elle passe son temps à vous éviter. Les lions. Une vache a plus de chances de ne pas se faire tripoter par un fermier que vous de gagner au loto. Les vierges. Si vous voulez gagner au loto, envoyez-moi un SMS au 64 12 12. Alors, je vous envoie les bons chiffres, je fais revenir votre femme, je répare votre ordinateur et pour 10 euros de plus, je te passe l'aspirateur. Les balances. Alors pour vous donner une idée, vous voyez Stromae? Ouais. Eh ben vos chances de gagner au loto sont comme lui, mince, très

en Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque, ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non messieurs, je ne suis pas un loupard. Mais Dawa, dis-leur que quand on tire, on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fois les poupas. J'ai que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non, j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrin Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début, ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut, Watibé, Harry, oui, c'est mon Broussa. On dit que je suis dans ma folie. Oui, on dit que je suis dans ma folie. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier même. Black M sur Fun Radio, la suite du son c'est avec DJ Snake. A chaque fois j'ai l'impression de le dire en carolo quand je disais DJ Snake. DJ Snake. En carolo c'est DJ Snack. Ouais, DJ Snack avec Justin Bieber. Voilà, il dirait comme ça, non? Avec Justin Bébé. Ah oui, pardon. Avec Justin Bébé. Voilà, ça va être bien. Ça, Let Me Love You qui arrive dans un instant. Avant ça, il faut qu'on vous parle de ce qui va se passer ce dimanche du côté du Dog Center à Charleroi. La première Dog Pool Party de Belgique. Ça va être éclaté, les gars. Sérieux. En fait, ils ont ouvert une piscine à Charleroi pour chiens. C'est tout nouveau, c'est la seule en fait en Belgique pour les toutous. Donc on s'est dit, bah on va débarquer hein, avec tout ce qu'on a là chez Fun, avec un DJ, c'est Dylan de Fun Radio Connected. Hein, Dylan. En fait, ce qui est bien à Charleroi, c'est qu'ils ont fermé toutes les piscines, ils ont gardé une seule mais pour les chiens, tu vois. Parce qu'ils sont plus propres que les Uber. Oh, enfin. Tellement vrai. Mais... quelle agressivité, dit. Non, bah, je parlais pas des carolos en général, hein, je parlais des humains. Non, c'est ça, rattrape-toi. Les non, mais sérieusement, Dylan qui sera en platine ce dimanche pour amuser les toutous. Ça, franchement, je crois que ça s'est jamais vu ça. Mais ça va être bien parce qu'en plus, on lit les deux émissions et il y a aussi des places à gagner chez moi et chez toi, donc c'est top. Donc, ouais, si vous voulez y aller, deux fois plus de chances de pouvoir venir nous rejoindre ce dimanche. Il y aura donc Dylan qui sera aux platines. On a pris des eaux gonflables pour mettre dans la piscine. C'est marrant. Et alors, il y aura tout pour les chiens. Il y aura des glaces pour chiens, des bières pour chiens. Oh, t'imagines quoi, des chiens pétés à la bière. Mais c'est pas de l'alcool, hein, ça dit bien exprès pour les chiens. Et alors, pour les maîtres, il y a carrément un traiteur, le Prestige, s'il vous plaît, qui sera là et qui va venir faire des petites verrines, des petits cocktails. On va être bien. Je prends les tomates au thon. Ah ouais, c'est ça, c'est la vie, ça. Et on a prévu la barre de pole dance pour les chiens ou pas? Oui, évidemment, hein, tu négocieras ça de ton côté si tu veux bien. Bah avec grand plaisir, je vais contacter ça. Bon, si vous voulez venir avec nous ce dimanche au Dog Center de Charleroi, vous envoyez maintenant Dog par SMS au 3044, juste après le son de DJ Snack avec Justin Bieber. Et ben, on fait le tirage au sort et peut-être que vous serez des nôtres. Là, on va faire la fête, une fête de fou. Ah, ouais. Avec tous les toutous. Donc, votre chien est le bienvenu. Peu importe la race, la taille, on prend tout le monde. Voilà, donc Dog par SMS au 3044, tirage au sort juste après Let Me Love You maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Je sais pas vous, mais après une chanson comme ça, t'as juste envie d'avoir un gros câlin. Bah viens. Non, en bah fait viens, ça va. L'envie, elle passe tellement vite, c'est dingue. Hein. Oh là là, on voit pas le temps passer. Les Fifth Harmony, c'est ce qui arrive sur votre radio avec That's My Girl. On a reçu plein de petits messages en envoyant Doug par SMS au 34-4. Sandro ne m'approche pas. Viens, oh, voilà. Il vient de me faire des câlins, mais c'est pas possible. Tu demandes, non, voilà. Je vais coller mon sang. Voilà. Si tu sens quelque chose, c'est normal. Allez, c'est mes clés. Allez, c'est pas un câlin, ça c'est un hamburger. J'ai l'impression d'être prise en sandwich. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait quoi d'être une feuille de laitue? Ben, bah, pour une fois, j'ai l'impression d'être mince. Tu vois, c'est chouette. Bon, alors, vous avez envoyé Doug par SMS au 3044 pour venir avec nous faire la fête à la Dog Pool Party au Dog Center de Charleroi. Alors, c'est parti, on a quelqu'un qui est là. C'est Laurie de Gourdine. C'est où, c'est Gourdine? C'est près de Châtelet, non? Je sais plus. Walcourt. Ah, Walcourt. Rien à voir, mais enfin, c'est pas loin, quoi. Ça va, Laurie? Ça va très bien, et toi? Bah, écoute bien, qu'est-ce que tu fais? Ben, je rentre chez moi, là. Ah ouais, t'as bossé, t'es à l'école, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis secrétaire, je viens de terminer le boulot. Oh, secrétaire. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, je... Tailleur, lunettes, chemisier? Non, non, pas trop. Ah bon, alors c'est non, bon, pyjama en pilou et grosse chaussette antidérapante. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah non, ça s'est vite calmé aussi de mon côté. Déçu. Déçu. Bon, Mallory, t'as envoyé Doc pour venir avec nous dimanche? Oui. T'as quoi comme chien? Un labrador chocolat. Oh, c'est trop chocolat. Oh. T'as vu comme ça fait, genre, quand t'as un mec qui dit je suis brun aux yeux bleus, ça fait jamais oh. Non, mais labrador chocolat, tu craques. Ah ouais, mais ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, mais ils sont fous, hein. Les labradors, ils sont un peu fous. Les seuls chiens qu'on a décidé de mettre sur des photos de PQ, quand même. Ouais. C'est on vend du PQ avec des labradors. Mais ouais. Bah, tu sais beaux. Quoi, Mallory? C'est gagné. Qui sera avec nous dimanche à la Dog Pool Party? Comment il s'appelle ton petit toutou? Lilou. Comment? Lilou. Milou? Non, ah, Lilou. Lilou. Ah, j'allais dire parce que Milou, tu t'es vraiment pas fait chier pour le prénom. Hein, c'est, Et bah donc, Laurie et Lilou, vous serez tous les deux avec nous dimanche au Dog Center. On te fait des gros bisous, Mallory. Génial, super, un grand merci en tout cas. Bah de rien, on se voit dimanche, bisous bisous. À dimanche, bonne soirée. Et si vous aussi vous voulez repartir avec des places là pour aller à la Dog Pool Party, bah il y en a encore à choper à partir de 20h avec Dylan pour Fun Radio Connected. Donc restez bien là, on a encore un max de places à vous donner. On va essayer de prendre un maximum d'auditeurs, hein. Le but c'est faire la fête. Et plus on est de fous, plus on rit. Oh bah oui. Bon allez, avant de se faire le son de Sia sur Fun, je vous ai calé les Fifth Harmony. Bonne soirée tout le monde, c'est la Happy Hour. On est avec vous jusqu'à 20h. Merci mamie. De rien, yeah. Been working so damn hard, you got that head on overload. Got yourself this flawless body aching out from head to toe. Yeah. Radio, la suite du son, c'est avec Sia que ça se passe. Je vous ai calé aussi un petit Matt Simons et puis il y aura Jason Derulo au Kiss the Sky. C'est ce qui arrive dans le prochain quart d'heure pour rejoindre 20h sur Fun Radio. Parce qu'à 20h, c'est quoi? C'est Fun Dylan. Radio Connected. Non, t'as rien compris, toi. Quoi, yes. Là, c'est Dylan. Ah, là. Mais oui, c'est Dylan. Et comment le titre de Jason Derulo? C'est Kiss the Sky. Je suis jaloux parce que je ne pourrais jamais le faire vu ma taille. Ah ouais, c'est compliqué pour le coup. Rassurez-vous, à partir de 20h, il fait des vraies vannes. Mais oui. On l'a senti. Excuse-moi. T'as déjà écouté l'émission? Ouais. Non, c'est cool. Franchement, c'est la meilleure émission de toute la Terre. Parce que Fun Radio Connected, c'est la seule émission où tu peux passer tous tes messages. Eh ben oui, effectivement, même les Américains nous ont vu le concept. Donc 30-44 par SMS. Allez-y sur la page Facebook, venez nous rejoindre. C'est Fun Radio Connected. N'importe quel message, je le lis à l'antenne, y a pas de problème. Et tu sais que l'autre fois, j'ai reçu un message d'une auditrice qui avait une question existentielle. Dis-moi. Je me dois de te la poser. J'adore les questions existentielles. Kelly se demande si, comme t'es connecté de partout, si elle peut venir passer une soirée avec toi dans les studios de Fun Radio. Ah, elle veut voir mon port USB, c'est ça? Est-ce qu'elle peut aller le titiller ou pas? Non, mais je pense que, effectivement, mon port USB est quand même pas mal. Ouais. Assez open. Je te l'avais montré l'autre fois. Il y a la place pour une clé ou deux clés? Ça rentre? La pousse en fort, tu peux en mettre deux. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Non, mais je pense que c'est prévu d'inviter des auditeurs qui assistent à l'émission. C'est vrai, finalement, faire de la radio ici sur Fun. Boire un pot, hein? Ouais, effectivement. Bah voilà. Bah donc, Kelly, tu as la réponse à ta question. Elle va prendre son gros câble et puis elle va se connecter. Oui, bah Kelly, change de prénom avant de venir, s'il te plaît. Oh excuse-moi, tu t'appelles Dylan quand même. Oui, c'est ça. Je crois que tu as perdu tes dents, Dylan. C'est bon là. C'est bon, on va plutôt écouter du son dance floor si vous voulez bien. Si, c'est ce qui arrive pour aller jusqu'à 20h. Il y aura aussi Matt Simons. Et si vous voulez passer des petits messages, des dédicaces, c'est le moment ou jamais, allez-y. 30-44 pour vos petits messages. Eux sont les caïds d'une cité. Ouais, je suis cool, ambiance. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Jouer. La pièce. Les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tonio Life. Est-ce que t'en as une de pièces? La pièce. Les derniers seront les premiers. La partie commence actuellement au cinéma. Ouais, je pense quand même que cette garde-robe va être trop grande. Mmh. C'est quoi déjà les dimensions de ta chambre? Bah attends, Vanessa me les a envoyées par SMS. Alors, largeur 8 pieds et demi, hauteur 5 pieds. Ah oui, et ça fait combien en centimètres ça? Bah je sais pas, c'est ses pieds quoi. Ah c'est vraiment ses pieds? Ah oui, ok. On la prend quand même? Oui, on va prendre quand même, oui. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. Mon beau sapin, roi des forêts. Hey, oh, dis donc, t'es pas un peu en avance? Mais non, écoute ce que Bellambra nous offre pour Noël. Avec Bellambra, réservé avant le 15 novembre pour bénéficier gratuitement de la garantie neige. Votre séjour ski à Noël remboursé si la neige n'est pas au rendez-vous. Et gagner jusqu'à 20% sur toute la période hiver. Toutes les infos sur bellambra.be. Bon, bah, je vais acheter le sapin. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute la qui vous concerne, ainsi que le dernier smartphone Huawei P9 Lite à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Le son. Dance floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Soir sur Fun Radio, l'émission préférée de Nabila. Allô. En même temps, c'est parce que c'est la seule radio qu'elle comprend. Retrouvez Audrey et son équipe du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Découverte Fun Radio. À partir de 20h sur Fun Radio, c'est Dylan qui débarque sur Fun. Pour Fun Radio Connected, on vous laisse avec le tout nouveau son de Matt Simons maintenant sur Fun. On vous dit à demain, 17h. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Escape with me, I'll hold you tight. Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me, leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out. People round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? We out. It's just you, me right now. It's just you, me right now. Do you think we could lose control? Attention, petit solo de Jason Derulo au calme. Ah ouais, quand même. Kissing the sky, yeah. 20h pile, ça fait plaisir, on est à l'heure. Bienvenue sur